Voilà, oui, oui, là, tu m'appelles pour aller faire une course. J'ai récupéré. Voilà. Voilà, mais j'avais ça. Bon, mais ça va aller. À demain. Bye bye. Bye bye. Ciao. À demain. C'est bon. Merci. Il y a la salle de restauration, mais elle n'est pas.